Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour présenter l'émission. Moi-même, François, Laurent, David et Dominique. Plusieurs sujets à mettre sur la table aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes sur la radio Bellafonte. Aujourd'hui, nous allons parler notamment des Kickstarter. On vous expliquera ce qu'il en est. Nous parlerons également d'une série qui s'appelle Noob. Nous parlerons également d'albums découvertes magnifiques qui ont été cherchés dans le grenier, bien cachés. Je vous propose de commencer tout de suite avec le dossier Kickstarter. Alors, Kickstarter, la question, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une plateforme sur laquelle on peut financer divers projets. Voilà. C'est bien ça ? C'est pas une plateforme, mais c'est le concept Kickstarter. Kickstarter, c'est le nom d'un site quand même, d'une société. Voilà. Mais il y a d'autres concurrents, voilà. Kickstarter, c'est devenu un peu le nom générique, quoi. Je connais Ulule, qui a financé Noob, justement. Mais après, il y en a des tas d'autres qui sont plus ou moins connus, et qui ont plus ou moins de succès, ou qui ont des choix, des types de projets un peu différents. Kickstarter, c'est le plus connu, c'est le eBay ou le Amazon du Kickstarter, quoi. Voilà, en fait, ça correspond au crowdfunding. Plus ou moins le récolte d'argent de tout le monde, un peu. Voilà. Principalement des fans, des gens qui supportent justement le projet. Voilà, ça dépend du type de projet, quoi. En France, on a connu, alors le principe avec la musique, avec ce site qui a sorti notamment Grégoire, le site, voilà, My Major Company, un site qui, voilà, où les artistes peuvent dire, bah voilà, je suis chanteur, musicien, n'importe quoi, je veux faire mon album, avancer de l'argent, et en échange, vous aurez un album, des places de concert ou je ne sais quoi, et vous m'aiderez à sortir mon album. Et les gens peuvent déjà écouter des extraits des chanteurs, donc ils peuvent savoir à l'avance ce que ça va donner et financer. Et donc chacun peut être producteur ou coproducteur d'un film, d'un album de musique, d'un concert, peu importe. Bon, tu participes, tu ne te contentes pas d'acheter le produit, tu participes au produit. Voilà, au nom, au générique. Généralement, tu as une petite récompense à la clé, comme tu disais, soit un nom dans le générique. Alors, plus tu mets d'argent dans le projet, plus tu vas là-bas. Je sais pas, si on imagine un album de musique, si tu mets que 10 euros, bah, tu auras peut-être ton exemplaire du CD. Elle est dédicacée. Si tu mets plus, tu auras peut-être un t-shirt. Si tu auras ensuite, plus tu mets d'argent, tu as des places de concert. Tu peux participer à la création. Un concert à domicile, etc. Chez toi. Alors, on va plus ou moins regarder tout le crowdfunding par rapport aux jeux vidéo. Alors, à savoir, lorsqu'on regarde un peu les divers projets qui ont été proposés, surtout ceux qui réussissent, on s'aperçoit que c'est surtout les stars des jeux vidéo des années 80. Donc, lorsqu'il y a une personne très connue qui a fait des jeux vidéo précédemment, lorsqu'il va proposer son projet, il va avoir plus de récolte d'argent que d'autres. C'est un peu le sujet qui fait dilemme actuellement, c'est que généralement, tous les nouveaux éditeurs, la personne qui n'a jamais fait de jeux vidéo, par exemple, va proposer son projet, à moins qu'il y ait une idée révolutionnaire du genre GTA Goat. Voilà, c'est beaucoup plus dur pour eux de réaliser leur projet. Parce que le principe du Kickstarter, c'est que la plateforme elle-même ne fait qu'héberger le projet et la façon dont les gens vont gérer l'argent qui arrive, et voilà. Ce sont les porteurs de projets qui font le plus, quoi. Tu peux pas te contenter de mettre un projet en ligne et dire, regardez, mon idée, elle est géniale, donnez-moi de l'argent pour m'aider à la financer, et en échange, vous aurez peut-être une participation. Il faut participer pendant, je sais pas, si tu mets un Kickstarter pendant un mois, les gens ont un délai d'un mois pour financer ton projet, pour atteindre le but financier. Il ne faut pas te contenter d'attendre les mains dans les poches que l'argent arrive. Non, il faut vraiment parcourir, faire de la pub, aller sur Twitter, Facebook, communiquer un maximum pour... alors, quand tu as une personnalité connue dans le projet, alors c'est l'idéal, quoi. Voilà, limite la personnalité connue, elle a beau avoir son sujet sur papier, elle peut déjà lancer son Kickstarter, elle sait qu'elle va avoir plus ou moins des abonnés. Voilà. Pour les autres, il vaut mieux déjà avoir commencé son projet, présenter quelque chose, un peu faire comme un accès de bêta anticipé. Un petit peu, oui. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je pense à DayZ, par exemple. Le jeu doit être à 29 euros. Lorsqu'on préachète le jeu, c'est un système de Kickstarter sur Steam, on peut déjà commencer à jouer. Et c'est vrai que pour les autres qui mettent des sous dans un jeu qui n'est même pas encore développé, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus délicat de se rendre compte sur quoi tu mises, quoi. Voilà. Tout dépend de la personnalité du créateur, quoi. Ça dépend aussi de ta récompense. Moi, je ne veux pas mettre 20 euros Il y a beaucoup de projets de joueurs, de créateurs de jeux qui arrivent et voilà, je vais créer le meilleur jeu du monde, j'ai une super idée, donnez-moi un peu d'argent, puis au bout de semaines, on n'entend plus parler, parce que bon, voilà, quoi. Ça ne veut pas dire que le type est parti en vacances avec l'argent, non, mais bon. Quoique, ça peut arriver. Alors, une campagne Kickstarter dure environ un mois, sous lesquels, donc, lorsque le producteur définit plus ou moins des objectifs, Donc des paliers, ils appellent ça. Donc selon le type de palier, il y aura des choses qui seront faites dans le jeu qui ne seront, ou qui ne seront pas faites. Voilà, Par s'il exemple. décide, oui, qu'il a besoin de 100 000 dollars pour développer son jeu, au minimum, c'est un exemple au hasard, hein. Ça dépend du jeu. Sacré 6 000 francs pour un développement quand même. C'est beaucoup, pas beaucoup, ça dépend du jeu. 100 000 dollars, dès que c'est son but, c'est atteindre au moins 100 000 dollars en un mois. Si au bout d'un mois il a atteint 100 000 dollars, parfait, il va pouvoir développer. Mais il peut très bien. Et si au lieu de 100 000, on atteint 150 000, ah, il y aura un truc en bonus. Si on atteint 250 000, il y aura telle autre chose qui sera débloquée. Peut-être des langues supplémentaires, ou au lieu de le développer que sur PC, il sera aussi sur console, etc. Donc c'est aux gens, ça motive un peu les gens pour aller plus loin, quoi. Alors, c'est anecdote assez marrante, c'est qu'il y a un jeu, donc... Camelot Unchained. Camelot Unchained. Donc, eux ont effectivement récolté une blinde d'argent par rapport à leur projet. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement débloqué de paliers que ben, les joueurs, maintenant, ont peur que le jeu soit retardé parce qu'ils ont promis tellement de choses qu'ils se disent, mais le développement, il va durer 3 ans, là. Vous deviez le sortir en 2015. Et tout compte fait, on a peur que ça sorte jamais. L'avantage, c'est que, un peu comme ce que je disais avant, il y a des jeux qui, normalement, quand un jeu vidéo sort, bah il sort complet, fini, avec beaucoup de contenu. Plus tard, il y aura peut-être des extensions. Là, il y a certains jeux qui sont en cours de développement et ils se permettent de les sortir par épisode. C'est un peu comme si un jeu comme Diablo, par exemple, les premiers joueurs avaient juste l'acte 1, le développement continue et le jeu continue et puis il développe l'acte 2, donc les joueurs récupèrent l'acte 2 et continuent. Voilà, c'est un peu comme un jeu à épisode, quoi. En même temps, c'est intéressant parce que le public sert un peu de bêta-testeur, finalement. C'est le public qui donne son avis sur le jeu et... Donc du coup, il peut continuer à investir dedans si ça lui plaît. Donc il y a plus un avis précis. Ça ne sera pas les testeurs, les bêta-testeurs, la société. C'est tout de suite le public qui va donner son avis. La société n'est pas obligée d'engager une société de jeux vidéo. Normalement, engage des gens pour tester leurs jeux vidéo, avoir des retours. Là, non seulement les bêta-testeurs, enfin, c'est même les bêta-testeurs qui viennent et qui donnent de l'argent. Donc c'est pratique. Voilà, au moins, si ton projet ne marche pas, tu ne perds pas beaucoup. Tu le sais tout de suite. Tu évites de prendre des risques. Voir si ton projet tu choisis va par une mauvaise orientation, ou tu vois que graphiquement c'est pas ce qui intéresse les gens, tu as le temps, avant d'avoir fini complètement le développement du jeu, de changer d'orientation, de changer d'idée, etc., et d'orienter ton projet. C'est un peu le même principe, je sais pas, comme un journal par exemple, qui quand on s'abonne à un journal ou à un magazine, le magazine revient moins cher, mais pour le journal c'est intéressant parce que si les gens s'abonnent pour une année à l'avance, ça leur fait tout de suite une rentrée d'argent directe, quoi. C'est un peu le principe là. Donc après, bien sûr, d'autres personnes, une fois que le jeu est sorti, pourront acheter le jeu normalement. Traditionnellement, comme voilà. Bah, c'est ce qui arrive souvent parce que Kickstarter, le souci c'est que c'est une société américaine et c'est réservé, enfin on réserve aux Américains. Les Français peuvent s'inscrire sur Kickstarter pour créer des projets ou financer des projets, mais c'est en dollars, c'est... Alors justement, vu que tu parles des projets français et des projets américains, on s'aperçoit que les Français ont beaucoup de mal à justement se faire valoir sur ce marché américain, notamment au niveau du Kickstarter. Alors après, Ulule, on parlait d'Ulule tout à l'heure, je pense que c'est spécifique aux Français, je ne me trompe. Et il y a parfois même des projets qui sortent à la fois sur Kickstarter et sur Ulule en même temps. Bon, après, ils cumulent de leur côté. Parce que tout le monde... Il y a peut-être aussi une question de palier, je pense, au niveau du pourcentage que prend Ulule ou Kickstarter. Un jeu vidéo qui sort sur les deux, la partie Ulule peut servir à financer la traduction française d'un jeu qui serait développé principalement grâce à Kickstarter. Je pense plus au niveau des taxes que demande Ulule ou Kickstarter. Ouais. Tu sais, Kickstarter, le souci, ça c'est peut que être intéressant de splitter sur deux. Une société française qui voudrait sortir un jeu ou n'importe quel projet sur Ulule devrait sur Kickstarter devrait avoir par exemple un partenaire ou un QG aux États-Unis, puisque c'est réservé normalement aux Américains. Il faut également une banque qui puisse adresse, recevoir l'argent, une adresse etc. américaine, etc. C'est un tas d'avocats derrière en cas de problème. Aussi, voilà. Donc là, on parlait de la France versus américain. Sur Kickstarter, les Français arrivent en 6e position et les sommes investies sont quand même bonnes, hein, c'est 10 millions de dollars, mais contre 663 millions pour les Américains. On parlait tout à l'heure des stars qui proposent des projets, etc. Et il y a Franck de Visme, qui d'Akanai Studio, qui le dit plus clairement. Il dit, c'est simple, si demain Nintendo ferme et que Miyamoto dit qu'il veut faire un jeu, il n'a pas fini sa phrase qu'il y a déjà 1 million sur Kickstarter. Le papa de Mario, c'est ça? Voilà, ouais. Ah oui, c'est normal. Par contre, toi, si on te connaît pas, t'as beau faire un truc de malade, tu vas ramer. C'est normal. C'est vraiment un jeu où la personnalité du créateur importe beaucoup. Après, je pense qu'il y a quand même justement le projet, l'idée qui fait. Mais si t'es pas connu, l'idée sera pas connue non plus. Si tu as une base de fans, à la base, c'est pas mal. T'imagines, Miyamoto qui désigne, qui crée le prochain Mario sur Kickstarter. Et tu peux participer. Et si tu atteins un certain niveau, tu peux avoir ton personnage toi-même, avec ton visage dans Mario. compliqué. Il y a des gens qui seraient capables de mettre beaucoup d'argent pour ça. Je pense que l'intérêt aussi de ça, c'est en dehors du nom, c'est de défendre l'idée. Justement, on part en dehors des studios plein d'argent. Absolument. Et on défend une idée, un projet. Et quelqu'un qui n'est pas connu, qui a un projet, une idée extraordinaire, il peut avoir un financement. Ça peut marcher. C'est ça qui est intéressant avec ce système-là. Même si le Kickstarter n'a pas de succès, qu'il n'atteint pas forcément le niveau, enfin le financement, le but atteint au niveau financement, ça lui permet de se faire connaître. C'est aussi une plateforme de communication et de rencontrer des financeurs pour plus tard ou d'adapter son projet et de voir ce que les gens cherchent vraiment. Et est-ce qu'il y a quelque chose quand le projet n'est pas atteint, l'objectif n'est pas atteint sur... Oui, donc il y a lorsque le palier minimum n'est pas atteint, donc la campagne s'arrête. Alors le développeur a le choix d'arrêter complètement son projet. Dans ce cas-là, le développeur peut, et j'aime bien le mot est très important, peut proposer un remboursement des sommes qui ont été faites. Alors à savoir que vous n'achetez rien sur Kickstarter, vous faites vraiment un don. Faut bien garder ça en tête. Les échanges d'argent sur Kickstarter ne sont après tout pas des achats, mais des dons remerciés. Alors aussi, il faut savoir qu'un jeu financé avec succès ne sera pas forcément fini non plus. Après, on ne sait jamais, oui, il peut y avoir des estimations aussi. Voilà. C'est un pari que tu fais, mais un pari bien calculé, parce que sur la page Kickstarter d'un projet, tu as toutes les informations que tu veux. Tu as l'adresse, presque le téléphone du créateur. Vous en êtes où, là? Si tu n'es pas content, tu peux presque aller sur place. Voilà. Après, c'est à toi de faire confiance. S'il y a quelqu'un qui crée un projet, qui dit « je m'appelle », qui met un pseudo, qui ne veut pas donner son adresse, ni rien, ni détail, si tu mets de l'argent dedans, c'est ta faute si tu le perds, quoi. Bon. C'est vrai que généralement, lorsqu'on fait une campagne qui fonctionne, il faut envoyer du lourd. Il faut envoyer une petite vidéo avec son idée. Tu montres que tu existes vraiment, que tu es là. Et les gens qui ont réussi là-dedans, justement, le disent assez bien. Lorsque vous publiez une vidéo, il faut que les 30 secondes, elles accrochent. Il faut qu'elles clouent le spectateur sur place. Quoique, encore une fois, il y a l'idée derrière qui peut vous sauver. Mais... Alors, à savoir que lorsque vous faites un don dans la somme totale, il y a 5% qui partent pour Kickstarter. Il faut qu'ils vivent. Et ajoutez 3% qui partiront à Amazon. Parce que c'est Amazon qui gère les transactions financières. Exactement. Alors, c'est aussi une confiance, quoi. C'est du solide. Alors, dans les rapports de 2013, on voit qu'il y a une vingtaine de jeux vidéo qui ont récolté plus de 500 000 dollars en 2012. C'est pas mal. Possible. Et autant en 2013. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne, qui commence à faire ses preuves, qui s'installe. Et il y en a de plus en plus qui utilisent ce système. Dans tous les domaines, quoi. Donc faut faire attention non plus à que ça ne devienne pas une mode trop facile. Mais après, tu peux pas tout financer non plus. Je veux dire, un jeu encore, truc assez basique, tout ça, tu peux facilement arriver à un objectif. Dans le jeu vidéo, le petit jeu vidéo sur plateforme mobile et le gros jeu qui va sortir sur console et PC en 3D et compagnie, dans toutes les langues. C'est pas sur Kickstarter qu'on va se baser pour sortir un GTA 5 sur PC. Donc, ça peut être un début. Mais on pourrait, c'est une super idée. Qui veulent voir un GTA 5 sur PC, c'est un début. Un projet qui se lance, ça serait pas si bête. Alors je me permets de t'arrêter puisque je vois à la porte des intermittents du spectacle. Qui veulent entrer. Alors, je ne sais pas si c'est pour jouer de la musique ou pour nous promotionner quelques bons produits. Alors, donc, on va devoir faire une petite pause pour leur laisser la place. On se retrouve juste après. Et on continue donc cette émission où nous parlions juste un instant des Kickstarter. Je disais qu'il y avait 743 jeux qui avaient été donc financés et 538 jeux ont obtenu moins de 50 000 dollars, qui reste quand même assez... Ça dépend du jeu, mais c'est déjà pas mal. Ça dépend du projet. Mais la plupart des jeux ont récolté un petit budget, ça reste important à noter. Est-ce que vous avez déjà mis des sous dans le Kickstarter ? Pas encore, mais des fois c'est tentant. J'avoue que tu peux passer ta journée à chercher, à parcourir tous les projets qu'il y a sur Kickstarter. Il y a des trucs. Tu regardes tes projets, tu regardes ce que t'aimes bien, puis tu vas dans le projet, tu fais il y a des récompenses sympas. Oh, si je donne ça, j'ai un petit t-shirt. Ah oui, c'est vraiment. On pense qu'il y a des. T'as découvert, donc tu mets pas. Mais... mais on parlait de Banished la semaine dernière. Ouais. Est-ce que lui était sur un financement non, du non, même non, type c'est un développement un peu alternatif. À mon avis, il n'y avait pas besoin dans le sens où il a tout fait tout seul. Et mon avis, il a dû prendre son temps. Donc, pas vraiment dû avoir besoin de fonds pour ça. Il aurait pu, mais c'est vrai qu'il aurait pu. Il aurait pu, mais il en aurait fait quoi. Voilà, s'il avait eu trop d'argent. Il n'avait pas besoin d'argent, lui. C'est vraiment pour les projets, peut-être pour une étape supérieure. Il arrive de temps en temps qu'il y ait des projets qui soient présentés sur Kickstarter et qui soient arrêtés avant. Par exemple, au bout d'une semaine, le développeur d'un jeu est contacté par une grosse société de jeux vidéo qui leur dit bah, « Votre jeu nous intéresse, on veut le prendre ». Dans ce cas-là, il arrête sa campagne Kickstarter, il dit ah, « Et il vend son jeu, enfin il vend son jeu ». Il va développer le jeu avec la boîte et ça arrive de temps en temps. C'est un moyen de communication, entre autres. Il faut savoir qu'il peut rembourser les sommes sur Kickstarter. Ah, alors, à savoir que généralement, la plupart des projets, notamment ceux qui fonctionnent, ne sont pas uniquement financés par Kickstarter. Quelquefois, c'est vraiment une campagne additionnelle pour soit arrondir les fins de mois, mais non, pour rajouter peut-être du contenu, mais aussi pour faire ce test de joueurs. Mais c'est un peu un cercle vicieux, un cercle vertueux, parce que quelqu'un qui veut, tu veux monter un jeu vidéo, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas aller voir ta banque et ton banquier va te rire. Mais par contre, tu le montes sur Kickstarter. Et tu commences à avoir des retours, et là tu retournes voir ton banquier en disant « Regardez, sur Kickstarter, il y a déjà 5-10 000 personnes qui suivent mon projet et qui sont prêts à mettre de l'argent. » Et à ce moment-là, le banquier va dire « Ok, là, on va peut-être vous avancer de l'argent. » Tu vois, j'ai un exemple typique qui me vient en tête, c'est la série Véronica Mars, série télévision, qui est sortie dans les années 2000. Il y a eu 4 ou 5 saisons, et pas une nouvelle depuis, enfin la série s'est arrêtée. Et il y a quelques années, l'actrice principale, qui a continué sa carrière d'actrice, les fans de la série réclamaient un film ou une suite, etc. Et puis il a dit, ok, on va voir sur Kickstarter. Si ça intéresse des gens, ils ont dit, ils sont allés voir d'abord les grosses boîtes de production, enfin Warner et compagnie, ceux qui possédaient entre autres les droits. Ils ont dit, non, ça ne nous intéresse pas, etc. Vite. Ils sont venus aussi vite. Ils ont mis le projet sur Kickstarter. Et là, tous les milliers de centaines de milliers de fans de la série ont dit, ok, on est prêt à mettre de l'argent pour avoir un film. Et là, ils sont retournés voir les producteurs de Warner. Ils ont regardé, il y a déjà beaucoup de monde. Et les Warner ont dit, ok, pas de problème. Le projet a quand même continué sur Kickstarter. Et le film, alors le film ne va pas sortir au cinéma, il doit être terminé, il doit être en tournage ou bientôt en tournage. Il sera disponible à la VOD, donc tous les gens qui ont participé pourront le voir. Et tout le monde pourra voir, il y aura un film Véronica Mars avec tous les acteurs d'origine qui ont accepté de revenir dans le projet 10 ans après et de rejouer leur même personnage. C'est marrant. Et donc, cet acteur a aidé à rebooster le projet. Quoi. On ne peut pas faire ça avec d'autres films. Ça pourrait être sympa. On sera un direct ou DVD. Pareil. Mais c'est surtout très difficile de financer un projet qui sort au cinéma parce que ça coûte très, très, très, très cher. Non, mais ça peut aider à convaincre, même si ça ne finance pas, on ne peut pas financer complètement un film sur Kickstarter, quoique, un vrai film, hein. Pas un film d'amateur, mais ça peut aider à convaincre les grosses sociétés, les gros producteurs. C'est un support, on va dire, c'est une assistance aussi. C'est un peu tout. Tout dépend du niveau de ton projet. Donc, lors de votre définition du palier pour savoir combien d'argent vous allez récolter, notamment au niveau du jeu vidéo, il ne faut pas mettre de trop, parce qu'après les gens vont se dire la limite n'est pas atteignable, mais il ne faut pas mettre trop peu non plus, parce que les gens vont se dire c'est quoi que ce projet, c'est pas assez ambitieux, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Quitte à le faire en plusieurs fois, tu peux présenter ton projet une première fois au Kickstarter, voir les réactions des gens, si tu as mis trop, c'est trop ambitieux ou pas assez ambitieux, et revenir plus tard, remettre ton projet sur Kickstarter avec des nouvelles étapes, une nouvelle équipe. Absolument, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as besoin d'un objectif, quelque chose de vraiment concret pour commencer un projet sur Kickstarter, ou tu peux très bien dire... Si tu veux convaincre les gens, il faut mettre un minimum. Mettre voilà. Est-ce que dans les règlements de Kickstarter, tu as le droit de mettre, par exemple, je sais pas, il me faut 50 euros pour aller faire les courses, tu vois, c'est... Pourquoi pas. Je suis pas sûr que ça marche, mais pourquoi pas. Tu veux repeindre ta maison, tu fais un Kickstarter, tu n'as pas besoin d'aller sur Kick. Tu mets un Kickstarter local auprès de tes voisins en demandant de participer, et pourquoi pas. Et en échange, et à la fin, ils seront invités au barbecue, pourquoi pas, ouais. Tout est possible. Le principe du crowdfunding, du financement, le financement participatif. Tu vas te retrouver avec des Américains à ton barbecue. Et pourquoi pas. Donc voilà, pour résumer, le Kickstarter, c'est vraiment un bon moyen d'aider des personnes qui ont des supers idées au niveau des jeux. Et ça permet aux personnes qui ont déjà un projet concret également de construire une communauté de joueurs. Même avant que le jeu sorte, voilà, il y a déjà la communauté. Je suis sûr que les forums sont déjà en train de tourner à plein feu. Alors Dom, je sais que tu nous as ramené de beaux albums découvertes. Comment présenter cette personne ? J'ai peur. Florence Foster Jenkins, une milliardaire américaine des années, 50-60 peut-être, qui était passionnée de chant d'opéra. Elle se prenait pour une chanteuse d'opéra, pour une cantatrice. Et comment dire, le talent n'était pas visiblement au rendez-vous. Mais elle avait l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand t'as de l'argent et que t'as pas de talent ? On fait n'importe quoi. Tu peux très bien organiser un concert et... Bon, il n'y avait pas encore le Kickstarter à l'époque, mais ça aurait pu marcher. Non, ça n'aurait pas marché. Elle avait déjà l'argent. Elle avait déjà l'argent. On lui aurait retiré son argent. Elle s'est payée une carrière de cantatrice. Elle avait les moyens d'acheter des grandes salles de concert et d'inviter les gens et enfin de les forcer. Oui, on peut dire de les forcer à rester assis pour l'écouter chanter. Donc on va écouter Florence Foster Jenkins qui nous interprète du Mozart. Et oui, rien que ça. Elle a pu t'enchanter. Les musiciens sont professionnels. Ah, c'est déjà ça. On n'entend pas de rire dans la salle. On cherche à gagner des auditeurs, pas en perdre. Mais c'est une artiste, vous comprenez pas. On va bientôt perdre des membres autour de la table si ça continue. Tu veux pas couper tout de suite. Mais c'est de l'art. Sur Kickstarter, ça aurait fait un carton, je crois. L'album de Marc Grandet est toujours là. Ils ont quand même osé écrire soprano hein, sur la pochette du disque. Oui, ils ont peur de rien. Elle a des fans, et toujours à notre époque. Bah, je vois que t'as un CD. Et même des imitateurs. Oui. Attention. Enregistrement d'époque. Attention, oh yeah, yeah. Attention, ça monte. On a entendu des chanteurs, 10 professionnels qui chantaient moins bien que ça. J'ai du mal à. Le playback ne l'imaginait pas à l'époque. Il n'y avait pas d'auto-tune. Oui, ça fait un choc aux éditeurs. Ils n'ont pas l'habitude d'écouter déjà de la musique classique. En plus, à ce niveau-là. Oui, ça fait mal. À déconseiller d'écouter au casque. Ah, hein. Bonjour, monsieur Mozart, oui. On va avoir des procès, là, je crois. C'est là que se retourner dans sa tombe prend tout son sens. On peut écouter ça pour le piano éventuellement. Même pas, parce qu'un pianiste qui supporte ce projet, à moins qu'elle ait vraiment payé très cher. C'est sûrement son mari, peut-être, je ne sais pas. Donc ça date de quelle année ça? Ce qui m'étonne, c'est d'où vient ce CD, d'où vient cette boîte. J'étais dans un magasin de musique. Le vendeur m'a regardé tout. Absolument. Je suis allé voir le vendeur, je lui ai demandé s'il avait du Florence Foster Jenkins. Dans une il m'a regardé bizarre, mais il en avait. T'en trouves aussi chez les vétérinaires. T'en trouves un peu partout. J'ai l'impression qu'il y a un chien qui veut sortir. Un chien qui lague. Après les intermittents du spectacle qui veulent rentrer, il y a les chiens qui veulent sortir. Ouais, une artiste qui allait au bout de ses idées. Je crois que c'est les 3 minutes les plus longues de ma vie. Essaye de mettre ton doigt 3 minutes dans une porte. Mais l'album fait 53 minutes. C'est moins douloureux que son album. L'album fait 53 minutes. Ah oui. C'est un projet ambitieux en tout cas. Ah, c'est pas un projet, hein, c'est fini. Ah si, c'est... Bah, si c'était un projet au départ. Il fallait bien aller au bout quand même. Voilà. Ils ont même osé la place de Glory of the Human Voice. C'est de l'ironie. Je pense que jusqu'au bout elle s'est foutue de la gueule des gens. Et ça a fonctionné. Voilà, c'est bon. Il y a la théière qui siffle, excusez-moi. Applaudissements s'il vous plaît. C'est une jolie découverte. On va parler de quelques projets, c'est dur de reprendre après ça. Hein. Après Florent, après une artiste comme ça, oui. Faut qu'on termine l'émission là-dessus. Non. Tu veux pas changer le générique? Mais déjà on termine l'émission là-dessus, ça c'est sûr. Je verrais bien ça en générique. Alors parlons de quelques projets Kickstarter qui ont plus ou moins eu du succès. Je pense notamment à un hélico contrôlé par la pensée. C'est un projet de Puzzle Box Orbit. Ah non, ça c'est le nom du jouet, donc Puzzle Box Orbit. Ah, c'est quand même un jouet, oui. Voilà, donc c'est un hélicoptère que l'on peut contrôler grâce à son cerveau à l'aide d'un casque Neurosky Mindwave. Et il est désormais possible de l'acquérir grâce à la campagne de financement initiée sur Kickstarter. Si vous mettez de 150 à 230 euros, vous pouvez acquérir cet hélicoptère. C'est vrai que le concept est pas mal. Le concept est pas mal. Il faut avoir un cerveau, quoi. C'est trop long. Et l'utilité d'un hélicoptère. Ah si, peut-être pour les personnes en fauteuil roulant. pour arroser leurs plantes. Non, je sais pas. Je cherche des idées, mais... Dans ce cas-là, ils pourraient faire un truc pour contrôler... Chien. pour contrôler le fauteuil, éventuellement, mais... Voilà. Ça je viendra. Suis curieux de savoir si, de un, si ça fonctionne, et de deux, comment. Il suffit d'aller sur la page utilisateur. On s'instruit quand ça kickstart en plus. Ensuite, un autre projet, un stylo pour sculpter en 3D. Ça, c'est un projet qui est apparemment assez attendu. On connaissait les imprimantes 3D qui commencent plus ou moins à faire leur apparition un peu partout, notamment dans l'industrie. Et là, donc, ce crayon donc de 200 grammes quand même vous permet de sculpter des objets en 3D. Alors, le projet nécessite apparemment 30 000 $ pour être mis en production. C'est pas énorme pour un projet comme ça. C'est quand même pas non plus un objet... très cher, c'est juste un objet qu'ils font apparemment du plastique et il est refroidi directement au bout du stylo, à mon avis. Donc sur les 30 000 $ qu'ils ont demandé, ils en ont récolté 2 millions. C'est pas mal. Bon. Ils ont intérêt à faire des gros stylos. Donc ça permet de créer des objets avec des fils d'ABS fondus qui se solidifient instantanément à l'air libre. Quand tu sculptes vraiment dans l'air avec ton stylo, c'est impressionnant. Sympathique. Et là, ils réclamaient que 30 000 $, ils ont 2 millions de dollars. J'imagine les gars qui se réveillent, ils arrivent au bout, enfin la boîte où il est peut-être tout seul, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, ils regardent ses mails ou ils regardent sa page citateur, eh, on a réclamé 30 000, on a 2 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, déjà, on va faire la fête. On les a plus vus. 2 millions de dollars. Ouais. 500 000 $. Tu peux péter les plans. Eh, on fait l'ester ou pas? Ah, mais c'est pas vrai. Je vois encore des intermittents du spectacle. Il n'y a pas Mozart parmi eux. C'est pourquoi ils sont sur plein de la musique qui était trop forte. Ah, ils réclament un autre morceau. Peut-être. C'est les Mozart qui veulent un autre morceau. Oh là là. Bon alors, on vous laisse et on se retrouve juste après ça. Alors, on parlait des projets Kickstarter, notamment un projet qui est très attendu et qui a déjà récolté pas mal de pognon. C'est un casque de réalité virtuelle. Ah bah ça existe depuis au moins 20 ans, je sais pas, même sur console Nintendo. Il y a eu la Virtual Boy, oui. La Virtual Boy. Oui, il a très bien fonctionné. Non, mais un vrai qui donne pas la gerbe de ce coup-ci. Non, ça donne pas la gerbe, ça rend aveugle au bout de jeu. Oh, bah ça va. Ils ont arrêté de développer, du coup. Mais non, mais un rouge très très beau, très très beau. C'est vrai que c'était affreux, cette console. Je crois que ça pouvait provoquer l'épilepsie. Ben, c'est très dangereux, quoi. C'était très, très rouge vif. Et apparemment, c'était impossible de le caser sur ta tête. Alors, tu devais tenir des postures plus ou moins hallucinantes. Alors, ce casque, l'Oculus VR, avait besoin de 250 000 dollars. Et apparemment, il a récolté 2 437 000, etc. À tel point que lorsqu'ils ont commencé plus ou moins la production, ils se sont rendus compte qu'ils commençaient à avoir une pénurie au niveau des composants. Donc, ce kit, qui est disponible en précommande à partir de 230 €. Alors, le fondateur Palmer Luckey avait un objectif en tête, parvenir à proposer une version commerciale de son casque de réalité virtuelle, le Rift. L'entreprise devra cependant commercialiser son produit à un tarif le plus bas possible. Donc, ils essayent de pas arnaquer les gens, ou en tout cas ceux qui ont mis de l'argent. De vulgariser la technologie qu'ils avaient. Alors, une news qui m'a plu, notamment à ce sujet, c'est que notre ami John Carmack, qui travaille chez ID Software, très bien connu, a décidé de quitter les bureaux d'ID Software pour se rendre chez Oculus VR. Voilà. Il sent le succès monter par rapport à ça. Le principe de Oculus VR, c'est que tous les jeux vidéo en 3D, normalement, grâce à ce kit, pourraient être rendus compatibles avec ce casque, qui est vraiment très simple et assez... Alors j'avais vu des vidéos par rapport à ça, donc la vidéo c'était se retrouver dans un wagon qui roulait de haut en bas, un peu comme à Disneyland, lorsqu'on va dans le train de la mine. Et lorsque tu bouges ta tête avec le casque, tu te retrouves à bouger également dans le jeu et tout. C'est vraiment excellent, ça a l'air bien fait. Après, comme tu disais tout à l'heure, niveau épilepsie et tout, je ne sais pas le rendu qu'on va avoir. Ça doit être surtout perturbant de ne pas avoir les mouvements de ton corps avec ceux que tu vois dans ta tête. C'est ça qui est plus dangereux, je pense. C'est aussi mental. Quoi. C'est, ouais, l'immersion, comme ça, on est peut-être trop dedans. Et du coup, après, on parlait toujours des fois de la différence entre la réalité et le jeu vidéo. Là, on est tellement dedans que finalement, tu quittes le casque, tu sors de chez toi, tu ne sais plus vraiment où t'es, peut-être. Non, mais c'est vrai. Il y a une pub qui avait été censurée là-dessus. Alors, une news, et je me demande si tu as déjà participé au projet. Une bière, oui, mais au soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le projet de Beer in the Sun. Alors, apparemment, ça serait plus ou moins une application pour les amateurs de bière qui, donc cette application recherche un pub ou un bar avec les créneaux horaires, recherche le taux d'ensoleillement des établissements référencés. Ah, donc tu dis j'ai envie de boire une bière au soleil, voilà. Il te trouve un bar qui est orienté pile poil pour que tu aies le soleil au moment où tu bois ta bière. Exactement. Voilà quelque chose de sérieux. On est dans le nord le plus près, et t'as 10 767 km. Voilà, le problème c'est que les bonnes bières sont en Belgique, du coup l'application va rarement trouver le soleil. Il faut une puissance de calcul énorme pour trouver. Il y a juste un petit coin, il y a juste là. Exactement. Et tous les gens qui ont l'application vont se rassembler au même endroit pour boire leur bière. Oh, bon, c'est sympathique, c'est convivial. Alors malheureusement, le projet n'a pas eu tant de fonds que ça. Ils ont récolté seulement 10% des fonds nécessaires. Ils ont senti le truc. Voilà, l'idée est amusante, mais bon. Une idée géniale, pourtant. Autre projet, alors celui-ci, attention, c'est du lourd. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment sérieux? Financer l'étoile de la mort de Star Wars. Pas de problème. Alors je vais avoir besoin d'aide, puisque j'ai les chiffres. Ça fait combien? Alors, l'estimation du coût d'une vraie étoile de la mort, parce qu'il veut faire une vraie étoile de la mort, hein, pas une en Lego ou en Playmobil, hein, En orbite. Oui. Une vraie qui marche, combien de zéros ça fait ça? Alors, 850 millions de milliards de dollars. C'est un bon début. Ils ont un mois pour assembler donc 850 millions de milliards de dollars. Et là, ils en sont à 300 000 livres. Donc le projet avait initialement été proposé donc à l'administration américaine, donc la Maison Blanche, qui ont gentiment refusé le projet. Mais il y a quand même eu plus de 34 000 personnes qui ont réclamé cette construction. D'où l'apparition du projet sur Kickstarter le 4 février. Mais un vrai avec un rayon qui détruit les planètes, tout ça. Ah bah, c'est heureuse, hein. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce que bon, c'est le genre de projet qui sert avec une fois. On n'a pas pour l'instant non plus beaucoup d'ennemis qui viennent de l'espace. On ne sait jamais. Donc pour l'instant, on a 2000 investisseurs qui ont contribué pour 300 000 livres. C'est un début. Ça fait 150 livres chacun, donc oui, quand même, il faut y aller. À mon avis, il y a des fans qui ont dû mettre beaucoup. Faut avoir de l'argent à perdre, mais bon. Pour avoir leur nom sur l'étoile noire. Dans combien de temps ça mettra à construire? Ils seront morts avant, je pense. C'est vrai. Alors cette fois-ci, on va revenir plus ou moins du côté francophone, puisque sur le crowdfunding d'Ulule, on a eu récemment un record qui a été battu. Le record d'Europe. Donc c'est la série Noob, donc les studios Olydri, qui ont proposé un projet justement de crowdfunding. Voilà, le projet était de faire un film qui continuerait plus ou moins la fin de la saison 5 de la web série, oui. Tout à fait. Et pareil, donc ils ont exigé une somme initiale. Alors je pense que c'était 35 000 demandés initialement, avec des paliers de 50 000, 75 000 et 100 000 pour 682 000 d'investis. C'est-à-dire presque 20 fois plus que l'estimation du projet initial. Voilà, 1948% de la somme demandée. Voilà. 20 fois la somme cherchée. Donc pareil, hein, comme pour le Kickstarter, moi-même j'ai participé donc au projet, donc on pouvait mettre 25, 50, etc. Et selon les paliers, on pouvait avoir donc soit le DVD, on avait un accès anticipé sur peut-être le film ou d'autres vidéos qui seraient mises sur le site. Et pour ceux qui mettaient de 500€ jusqu'à 1000€, là, ils avaient la possibilité de carrément participer au tournage du film. D'avoir leur perf, quand même, c'est intéressant. Ils pouvaient faire figurant. Figurant. Mourir. Ouais. apparemment, il y aura des scènes où il y aura beaucoup de monde et une grosse guéguerre. Moi, c'est ce que. Mais alors, quand on a 20 fois plus d'argent qu'estimé au départ, est-ce qu'on fait 20 films? C'est ce qu'ils ont fait, ouais. Lui a décidé de répartir ça sur 3 films. Mm-hmm. Puisque Fabien, c'est quelqu'un qui a une imagination qui court très très vite. Et il s'est dit, moi je me sens capable de faire 3 films. Il l'a proposé, les réponses ont été plus ou moins positives. Donc c'est ce qui va se passer, il y aura 3 films. Alors les dates de films... Ils sont en cours de développement, normalement le premier film était censé sortir en 2014. Donc l'argent en plus, donc, ça va lui permettre d'acheter du meilleur matériel pour filmer. Ça part là-dessus en fait. Au début, le premier film c'était justement pour le matériel, les costumes. Après, ils ont proposé d'autres films avec l'argent en plus, à savoir que de toute façon, les costumes qu'ils ont utilisés et les matériels achetés dans le premier film serviront aux autres. Bien sûr. Donc après, c'est un investissement qui... Les choses en plus qu'ils ont eues, on ne sait pas trop, vu qu'ils ont déjà ce qu'il faut pour le premier film. Le souci avec ce type de Kickstarter, même sur le lycée, ça va être la même chose, c'est que quand tu dis « j'ai besoin de 30 000 euros pour faire un film », c'est-à-dire engager des acteurs, des comédiens, une équipe technique, etc., des caméras, etc. Si tu récupères trop d'argent, tu n'as pas le droit d'utiliser le surplus d'argent pour autre chose et de dire, ben, l'argent qui reste, je l'investis dans ma société. Alors soit tu rembourses éventuellement aux gens, soit tu, voilà, tu n'as pas le droit de faire. Bah moi, ce qui m'avait surpris, c'est que dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est bien, vous avez plus d'argent, rémunérez-vous, quoi. Parce que Olydri, c'est que des C'est une petite, amateurs ouais, c'est ça. principalement. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage, quoi. Voilà, vous avez l'occasion d'en mettre un peu dans votre poche. Le souci, c'est que Voilà, quand tu quoi, définis faites ton vos. projet, et quand tu définis Et ton projet, pourrez. tu dis exactement à quoi l'argent va servir. Tu n'as pas le droit, une fois que l'argent est mis dedans, de dire, ben, pour finir, on va l'utiliser pour autre chose. Mais Il moi, ça pourrait me, perso, se ça m'aurait faire pas dérangé qu'il dit je fais mon mais d'un film point de vue légal. et je distribue l'argent à mon souhait et également au niveau des rémunérations. Pourquoi pas? C'est, ça fait partie du but du jeu, du moment que le résultat de son film est là. Peu importe l'investissement, moi, ça ne C'est m'aurait un pas peu dérangé. compliqué. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est juste le contraire. Ils se sont dit, on va tout dépenser dans le film, on sera rémunéré avec Dans les voilà, les gens bonus. qui achèteront le DVD, par exemple. Donc, ils Est-ce se qu'il y sont aura des gens dit, qui achèteront le DVD? bah, Parce que disons là, qu'il y en a beaucoup qui auront déjà le DVD. combien de personnes ont participé au financement? Bon, ils mettent 11 000 ou à peu près 12 000 Ouais, soutiens. environ 12 000, ouais. Mais donc, ces 12 000 soutiens recevront leur DVD, leur Blu-ray, Donc peut-être ça leur fait film. partie aussi de Voilà. Donc, l'investissement. ça, c'est de l'argent qui est rentré, mais qui sans plus. Mais est-ce qu'il y aura d'autres personnes en plus des 12 000 qui iront voir le film au cinéma ou acheter le DVD? On n'en est pas sûr. En une sortie ciné, je croise les doigts, mais j'y crois pas. Hein. Ce sera des petites sorties, à mon avis. Donc, Donc, autre quelques salles. petit souci que ça a posé également, c'est que Ulule, lui, a une façon de taxer les projets. Donc, en moyenne, Ouais. c'est 8%. Faut bien qu'ils vivent, oui. Et lorsque donc Noob, le film, a lancé son projet et qu'ils ont vu qu'ils ont dépassé des sommes qui, Tu n'imagines même pas. voilà, extraordinaires par rapport à Ulule, bah Ulule s'est retrouvé avec un pourcentage qui était plus cohérent avec l'argent mis. Donc normalement, le projet Noob a obtenu 682 000 euros environ au bout de 70 jours, ce qui veut dire que 54 000 euros auraient dû être versés à Ulule. C'est ça, 8% de la somme. Mais vu le pourcentage qui devait être versé, ils ont décidé de changer le système. Maintenant, au-delà de 500 000 euros, le taux descend à 5%, ce qui signifie que Noob versera au total 34 000 euros, ce qui est déjà une Encore plus. certaine somme à Ulule. Oui, parce que c'est vrai que Ulule, enfin, ils ne font pas grand-chose. Sur leur plateforme en ligne, c'est pas mal, c'est un service qu'ils donnent. C'est vrai qu'ils ont presque les mains dans les poches et ils encaissent seulement, c'est pas si mal. Surtout que là, ils récupèrent le premier objectif de Fabien Fournier. C'est limite ça. Le pourcentage qu'il reverse à C'est Ulule, c'est impressionnant. l'objectif du C'est départ. impressionnant. On C'est se rend compte, énorme. rien que la marge de 5% est Hein. supérieure à l'objectif initial, c'est impressionnant. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours su mener ses projets plus ou moins à bien. Il commence à avoir la Ce qui est confiance important, c'est qu'il garde, de l'auditeur. la tête sur les épaules, si Bah, on veut marcher. je pense. Alors, pour résumer un peu, hein, Fabien Fournier, il est principalement connu pour être l'un des précurseurs ayant contribué au développement du cross-média en France. On pense notamment à sa série Noob qui est développée sur plusieurs médias. Donc, on a la web série, on a des romans, Les BD. des BD également. Alors, en parlant du roman, je sais qu'il y a le dernier roman donc, qui est daté de 2012 et on en a un prochain qui sera disponible à la fin du mois qui s'appellera Négocia, un roman à précommander. Également, nous, au niveau des chiffres, c'est plus de 45 millions de vues sur Internet en cumulant YouTube, Watt et Dailymotion, plus de environ 500 000 visionnages par épisode en moyenne, 500 000 visiteurs uniques sur le site par mois, 170 000 fans sur Facebook, 22 000 followers Twitter. Donc voilà, c'est vraiment un C'est la projet. référence en France, du cas des web-séries, quoi, Alors pour ceux voire qui ne plus. connaissent pas Noob, donc c'est une web série qui a une idée, moi je trouve ça génial. C'est surtout original, c'est pour ça qu'ils ont autant de chiffres excellents, c'est qu'on ne fait pas ça ailleurs. Enfin, ou alors, Alors, il a c'est eu pas. l'idée dès le départ. Voilà, c'est. Il l'avait plus ou moins déjà utilisé lors de ses différents projets, puisque Noob, c'est d'abord des amateurs, un peu comme les Beatomans. Donc les Beatomans, c'est quoi? C'est des amateurs qui avaient pris leur caméra, qui avaient décidé plus ou moins de jouer les super-héros. Voilà, ils ont fait leur propre film, quoi. Et c'était vraiment Il y avait beaucoup de excellent. références au manga et c'était vraiment pas Exactement, aux mal. jeux vidéo. Et Ouais. Et d'ailleurs, donc Transpirman, l'un des personnages, est également dans la série Noob, travaille avec Fabien Fournier. Une petite famille aussi, hein. Je pense tout le monde dans ce domaine-là se connaît plus ou moins. Donc voilà, donc la série précédente s'appelait Lost Level, je pense, ça traitait un peu du jeu vidéo dans la web série. Et Noob, ils ont fait carrément un MMO. Donc le Ils personnage ont apparaît créé au tout un début, il crée son univers. personnage, etc. Il rencontre d'autres joueurs. Donc dans la première saison, on n'est que dans le jeu vidéo, dans le MMORPG. Après, on commence à voir carrément les joueurs dans leur vie réelle. On commence à avoir des intrigues, dans le jeu, on a des events de guerre, etc. Il y a beaucoup de web-séries qui se lancent, hein, sur tous les domaines, mais il y en a très peu qui durent, et ouais, c'est une des seules qui dure assez longtemps, où il y a plusieurs saisons. On a une aussi qui est un peu similaire en Amérique, c'est The Guild, vous connaissez pas? Il y en a énormément. C'est aussi la même chose, c'est des gens qui jouent à un MMO du genre World of Warcraft, et tu les vois. Dans la première saison, c'était aussi bon dans le jeu vidéo, tout ça, mais c'est surtout aussi chez eux comment ça se passe, quelle est leur situation familiale, et puis forcément ils se retrouvent dans la IRL, tout ça, et c'est excellent, c'est vraiment des séries qui sont accrocheurs, et puis t'as vite fait de continuer à regarder, t'enchaîner les épisodes. En parlant d'enchaînement, je vois que ça tape encore à la Ah, porte, jamais c'est tranquille. incessant, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. On laisse les intermittents du spectacle faire leur petite musique ou leur présentation de produits cosmétiques en tout genre, et on se retrouve juste après. Donc Olivier. nous parlions de Holidairy Studio et de la série Noob, à savoir qu'il y a également une nouvelle série qui est faite par Fabien Fournier et qui s'appelle Warp Zone Project, qui est sorti en 2012. Alors là, on part un peu sur l'univers des super-héros, où cette fois-ci, l'histoire, c'est que toutes les comics qu'on peut voir, ou les histoires de super-héros, existent vraiment. Mais elles sont plus ou moins cachées Cacher la... du monde, pour pas que ça foute le bordel, en gros. Donc voilà, c'est une nouvelle série qui a été lancée, et qui vraiment change un peu de l'univers noob, un peu médiéval, fantastique. Et c'est vrai qu'on retrouve le même humour, le même jeu d'acteur. Moi, c'est ce que j'aime là-dedans. Après. Puis même, il s'améliore au fil du temps. Bon, chacun son rythme. Surtout les gens qui, au début, ont des rôles plus ou moins secondaires. Et dans Warp Zone Project, je crois que là, il y a quelqu'un qui avait un rôle secondaire qui se trouve carrément héros principal. Et ils en parlaient justement. Le fait d'être en personnage principal, ça développe pas Ça mal les pousse un peu, capacités. c'est sûr. Après, moi, j'espère qu'ils vont pas prendre de cours d'acting. Ça Parce que fait le vraiment, ça fait charme un aussi. charme vraiment excellent au niveau amateur. Donc, on parlait au niveau des cross-médias, des romans, de la BD, qui est le dernier tome est la Retour à la case départ, qui est sorti en 2013. À savoir qu'il y a aussi des OST, il y a des coffrets vidéo, il y a des applications mobiles, et il y a même un jeu vidéo, un MMO, c'est bien ça? Qui est prévu. Il est prévu. De temps en temps, tu as des news de développement, des trucs Ouais, sympas, bon. mais. Avant le petit quiz musical, je vous propose de faire une petite interlude. On va promotionner un peu les groupes de la région. Et je pense notamment à un groupe, donc Atex Park Factory. Donc, un groupe composé de deux personnes, d'Olivier Boulet, qui sera à la basse guitare et quelquefois fera les voix, et également Sylvain Lebrun, qui s'occupe plus ou moins de la batterie, de la prod, enfin du reste, Du reste, du reste. de tout ce qui reste. Donc, les deux sont membres du groupe Edge Your Mind, et je pense qu'ils ont décidé de, lors d'une soirée animée au Rhum Ambré de Saint-Gems, C'est un side project, on va dire. voilà, de faire un petit album. Donc, j'ai trouvé ça sur le net, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Nous, les côtés sont pas. L'album qu'on va écouter, enfin, la chanson qu'on va écouter s'appelle 1992. On va s'écouter ça. Alors, comment définir le genre de Atex Park Factory? On peut dire post-rock, mat-rock, peut-être que les gens ne connaissent pas. C'est surtout instrumental. Il y a quand même de la voix, mais c'est surtout instrumental. Et puis c'est atmosphérique, voilà. Je pense que ça suffit pour définir, faut écouter. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. You must change your ways. You know what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Voilà, après cette belle musique, vous pouvez d'ailleurs retrouver le groupe sur Facebook dans la Narcissos Factory. Et maintenant, on a donc un petit quiz musical. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui me suis collé à la recherche de chansons qui pourraient piéger mes collègues. Non, c'est Laurent qui va nous faire ce test musical. Il n'y aura pas tant de pièges que ça, c'est surtout de la rapidité. Test normal, oh, pas forcément, des fois oui. Mais quand ce sera de la rapidité, je demanderai des précisions. Oh là là. Attention, c'est parti. Première. La petite maison dans la prairie. Jeu vidéo ? En partie, mais c'est tiré d'autre chose. Ouh, ça sent le jeu de guerre, ça. Du style Soldat Ryan, Medal of Honor, c'est pas ça ? Ça pourrait. Non. Ça commence. C'est bon. Les intros, c'est nul. Nanana. Ça pourrait être n'importe quoi. J'ai l'impression que je connais un peu ça. Attends, c'est chiant, t'as fini. Il n'y a pas de fille. On n'est pas trop fini. Ça peut être tellement de choses. Même un jeu de voiture. C'est pas un jeu de bagnole ? Non. Pas bien. Ah, il faut connaître. Hein. Ah oui. C'est une musique de film. C'est du Miyazaki ? Absolument pas. Bon. Une musique de film qui était en partie un jeu aussi également. Tomb Raider ? Non. Je vais proposer des trucs que je connais pas. Mortal Kombat ? Pour jamais. C'est vrai qu'on pourrait. Mais... Vandam ? C'est Street Fighter ? Street Fighter. Street Fighter. Au moment où Bison gagne. Ça peut être bien. C'est un jeu de moto en particulier. Motocross Madness ? C'est donné un film ? Moi je comprends plus là. Ah, c'est 2000 ? Non, c'est pas 2000. L'autre. Vous abandonnez donc ? Mad Max. C'était le film Tron 2. Ouh là là là là là là. Oh, il est quand même très connu. Je sens qu'on va chier sur ce quiz. Le quiz de spécialiste. Vous avez fait trop. Surtout les musiques. Prisonniers, là. Les musiques de ce film ont été faites principalement par Daft Punk. C'est bizarre, ils en parlent pas beaucoup. Hein. Ouais, ça vend pas beaucoup. C'est pas grave. Deuxième musique tirée d'un jeu vidéo. Là, il y a aucun doute sur le jeu vidéo. Normalement. C'est la même musique. Alors, c'est rigolo, ça sent le Final Fantasy. Alors, lequel ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Non, c'est le 8. Non, c'est pas le Final Fantasy. C'est pas Final Fantasy. C'est pas Final Fantasy. Ah, voilà. Ça, ça va être un vieux, ça. C'est le 6. Mais il a fait trop de musique, moi. Elle se sent un peu toute en même temps. C'est pas fou. Mais non, c'est le film. J'aurais pu. C'est le film. J'aurais pu. C'était le film Final Fantasy 9. Oh, alors, pourtant, je les connais bien, mais celle-là, je pas facile. Je la connaissais bien, mais jamais joué. Troisième musique. Tu as arrêté au 6. Tout le monde devrait connaître. C'est une heure. Isaichi. Les intros. Qui pas une intro. Non. On voit du Diablo. La guitare. Ah, attention, vous êtes vinyle. C'est du. Oui, je connais, mais. J'ai envie de dire Final Fantasy encore. Non. Chrono Trigger. Non. Ça se ressemble trop. Ouais. C'est tiré le film, ça. C'est un jeu vidéo dont nous avons déjà parlé. Ah bah ça oui. Il y a beaucoup de jeux vidéo dont on n'a pas parlé. Dont on a eu un sujet principalement dessus. Il y a longtemps. Banished. Banished. Ah oh, oui, merde. Oui, je sais pas ça. Bien joué. Évidemment, maintenant, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et je la laisse la musique. Les musiques, elles sont vraiment pas mal. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a une quinzaine, je pense. Ah, quand même. Et elles sont plus ou moins différentes, mais en fonction des saisons, elles sont vraiment différentes. Ah, il aurait fallu quelqu'un qui coupe du bois, ça m'aurait aidé. C'est vrai, c'est vrai que la musique du jeu, c'est perturbant. J'aurais dû prendre la musique du jeu et non l'OST. Avec les sons des personnages en plus. C'est vrai que ça, la musique des soldats jeux vidéo, c'est bizarre. Bon, David, tu pouvais pas trouver. Hein. Je connais même pas le jeu. Bon, dans ce cas-là, en parlant de musique avec des bruitages, on va prendre celle-là. Neverwinter. Battlefield non, 1942. Non. Plus précisément, s'il vous plaît. Alors, la bataille de Oshijou. La bataille de la bulge. Non, les armes. C'est pas. Oh là là. Battlefield 1942. C'est bien Battlefield 1942, mais. C'est pas Berlin. C'est pas Berlin. C'est pas. Oh là là, il y en a tellement. Écoutez bien. La bataille du Ah, c'est le débarquement. C'est pas celle du débarquement. Non, c'est Midway. Il y a des idées. Ou alors c'est une extension de 1942 ? Non, non, non, non. C'est la map qu'on parlait la dernière fois avec le gros avion américain. Non, c'est pas une map. Ah non, on parle de. C'est la musique du générique. C'est la musique d'intro. Musique d'intro de base, voilà. Ah, c'est ça qu'il fallait dire, musique d'intro. Absolument, c'est le générique. On entend un peu les bruitages derrière des avions, des bateaux, tout ça. On va passer à la suivante dans ce cas-là. La dernière. La dernière. C'est pas pour rien que je fais les quiz d'habitude, parce que je trouve jamais rien. C'est du Mario ? Ça vient d'une. Enfin, ça vient d'un jeu. Un jeu de musique. Pop and Music. Pop and Music. Exactement. Pop and Music 12 d'ailleurs. Alain, si tu nous écoutes. Voilà, c'était pour toi ? C'était destiné pour lui. Une musique assez plaisante à jouer, je trouve. Un peu moins écouté, mais. Un peu moins écouté, moi je fais qu'avec des voix, je trouvais ça sympa. En parlant de voix, on est dans la semaine prochaine, on écoutera un groupe qui s'appelle les Pentatonix, qui font toute leur musique à la voix. Ce sera pour la semaine prochaine. C'est ça cette belle musique sur laquelle on va se quitter ? Absolument. Ah, c'est dommage, on a rien trouvé. Le pire, c'est que la semaine prochaine, c'est encore Laurent qui s'y colle. Ah. J'ai hâte de préparer mon quiz. Oh, vous êtes méchant, vous avez trouvé des trucs. Tu vas créer un jeu vidéo juste pour mettre la musique. Exactement. Pour pas qu'il trouve. Voilà. Attention, c'est un film de 1968 qui n'est pas sorti au cinéma. C'est la version de Mario 12 sur console thaïlandaise. Joué par des Chinois dans voilà. Une cave. Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission de l'Another Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao. À bientôt. Bye bye.